Pour le mois de juin, Dolboito vous offre de choisir un camion qui travaille plus fort pour vous. Soit le Silverado 1500 Deluxe à cabine multiplace à 15% de rabais sur les modèles 2019. Venez voir notre vaste choix de camions offerts à tous les budgets. Dolboito, au 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. Élite de Ville-Saguenay ont nommé leur nouvel instructeur. Il s'agit de Maxime Derusseau, qui était à l'emploi d'éthique de Victoriaville au cours des 6 dernières années comme instructeur adjoint. Sur les ondes de CKJ hier, Michel Tifo et Dominique Bolduc lui ont parlé dans l'émission Dans le vestiaire. On écoute cette entrevue. De retour dans le vestiaire avec Michel Tifo et Dominique Bolduc. Le nouveau coach des Élites Midget s'appelle Maxime Desruisseaux. Il était l'entraîneur adjoint des Tigres de Victoriaville. Il a 34 ans. Il s'en vient entraîneur à plein temps, hein, soit dit en passant, avec les Élites Midget. Maxime, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi as-tu accepté l'offre des Élites Midget ici au Saguenay à Jonquière? Ben en fait, c'est un défi très stimulant pour moi. Là. Ça faisait maintenant 6 ans que j'étais avec l'organisation des Tigres de Victoriaville dans la LHJMQ, puis quand que Simon Tremblay, là, le directeur général des Élites, il m'a téléphoné, je trouvais que c'était un beau défi, je trouvais que c'était un bon timing pour moi, puis d'avoir l'opportunité d'être entraîneur-chef dans la ligne de 3, que je considère un très beau circuit, là. Je peux pas dire non à ça, puis c'est une belle opportunité pour moi qui s'ouvre. Alors, c'est une entente de 2 ans plus une année d'option. Es-tu satisfait de l'entente avec Simon Tremblay puis les Élites? Oui, extrêmement. Je pense que je suis choyé là, de rentrer dans une organisation qui a autant de classe, qui est dévouée, je pense qu'il essaie de mettre tout en œuvre pour que les jeunes joueurs de la région puis des alentours là, performent. Puis c'est une très belle entente. Je suis extrêmement content en plus là, avec les conditions de travail qui m'offrent, dans le sens que Simon Tremblay va être là aussi régulièrement. Ensuite de ça, on a ajouté Arnaud Dubé comme entraîneur qui va m'épauler là-dedans. Donc c'est très stimulant comme défi. Là. Quel genre d'entraîneur est Maxime Desruisseaux? Ben en fait, souvent ça se reflète un peu comme personne qu'on est dans la vie. Là, je suis quelqu'un qui est demandant envers moi-même. Je suis quelqu'un d'intense. Je suis travaillant. Là, donc évidemment c'est ce genre d'entraîneur-là que je vais être. C'est sûr que je vais être demandant envers mes joueurs, mais je veux une équipe qui travaille. Je veux une équipe qui comment je pourrais dire ça, qui donne toujours son, c'est des clichés là, mais que tu sais qui donne toujours son 110%. Puis je veux qu'on soit reconnu à travers la Ligue comme une équipe qui est vraiment dure à jouer contre. Donc, c'est un petit peu ça à quoi que les joueurs s'attendent et qu'ils doivent s'attendre lorsqu'ils vont arriver au camp d'entraînement là, au mois d'août. As-tu regardé un peu la liste des joueurs, les vétérans, ce qui s'en vient aussi comme joueurs invités, comme joueurs recrues? Ben, en fait, là, j'ai commencé à feuilleter ça un petit peu. C'était le repêchage de la LHJMQ la semaine passée. Donc, on a plusieurs joueurs qui se sont fait repêcher. Donc, ça, déjà là, ça l'augure bien. Puis ensuite de ça, je sais qu'au niveau du Bantam et au niveau du Midget Espoir, ils ont également eu des bonnes saisons l'an dernier. Donc, je pense que le futur s'annonce bien pour les Élites. Puis je pense qu'il y a des beaux joueurs de hockey là, qui s'en viennent au prochain camp d'entraînement. Tu passes du junior majeur au midget 3. Junior majeur, tu étais entraîneur adjoint. Midget 3, tu seras l'entraîneur chef. Pour toi, est-ce que c'est une promotion? Ben en fait, moi je le vois comme ça. Là. Je le vois vraiment comme un super défi. Puis, je l'ai dit un petit peu là, ce matin en conférence de presse avec les gens qui étaient là. J'étais rendu à un stade où ça faisait 6 ans que je donnais des suggestions, que j'apportais des commentaires. Puis c'est un peu ça le rôle d'adjoint, là, d'apporter des solutions et tout ça, mais c'est pas toi qui a le dernier call, là, la décision finale, comme on peut dire. Puis je pense que j'étais rendu là. Fait que moi je vois ça comme une promotion, oui, parce que dans mon cheminement de carrière, si on pourrait dire, là, c'est quelque chose que je me devais de passer par là. Puis je pense que c'est là que j'étais rendu. Arnaud Dubé sera ton entraîneur adjoint. Est-ce que tu le connaissais ou est-ce que tu n'avais entendu parler? Oui, ben en fait, Arnaud, là, s'implique beaucoup avec Hockey Québec là, depuis quelques années. Puis également, moi aussi, là, je me suis impliqué également avec, avec Hockey Québec. Donc, on a côtoyé des gens avec qui j'ai travaillé, qui ont travaillé avec Arnaud, vice-versa. Puis, j'entendais juste des bons commentaires d'Arnaud. Donc, je pense que ça va être parfait. Ça va être quelqu'un qui va m'épauler. Puis, tu sais, je suis chanceux parce que, justement, lui connaît bien les joueurs de la région également. Donc, je pense que c'est juste bénéfique pour moi, pour les joueurs, pour les élites au complet. Donc, c'est juste du positif là, de pouvoir travailler avec Arnaud. Vous devrez trouver un autre adjoint. Il manque encore un entraîneur adjoint. Est-ce que vous avez l'intention de le trouver ici? Allez-vous fouiller au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou un peu partout au Québec? Ouais, non, je pense qu'on va garder quelqu'un de la place. Là. Tu sais, c'est veut pas si on veut que la personne puisse s'impliquer au maximum puis être avec nous assez régulièrement. Donc, on devrait piger dans la cour, là, comme on dit. Donc, on a des candidats en tête. Faut juste s'assurer que ça fonctionne, puis qu'il y ait les plages horaires, puis la disponibilité pour tout faire ça. Mais on va prendre quelqu'un là, des Jonquières et des environs, c'est sûr. Le prochain coach adjoint, il sera trouvé par toi ou ça va être un travail d'équipe avec Simon puis Arnaud Dubé? Évidemment, là, tu sais, les trois, on va travailler en collaboration, mais tu sais, il y a plusieurs bons candidats, mais c'est sûr que Simon est déjà sur le projet. Il ne veut pas que Simon et Arnaud connaissent plus les gens de la place, mais c'est quelque chose que, tu sais, on va faire ça en groupe pour s'assurer que ça fit avec tout le monde. Là. Le Challenger Midget 3 a eu lieu l'an passé à la baie, puis il reste encore quelques années à le présenter ici dans la région. Pour un nouveau coach avec les élites Midget, est-ce que c'est une motivation supplémentaire, le Challenger Midget, chez nous? Ben oui, écoute, c'est un super... Tu sais, le Challenge, c'est un événement super plaisant pour les joueurs, puis... je sais que l'année passée, là, ça a été tout un succès. Là. Les bénévoles, puis les gens des élites se sont impliqués énormément. Puis juste de pouvoir évoluer devant nos supporters, puis tout ça, là, je pense que c'est juste... comment je pourrais dire ça? C'est juste quelque chose qui va aider nos jeunes à apporter encore plus d'énergie, puis à se donner encore plus. Donc, c'est vraiment plaisant de pouvoir avoir le challenge chez nous là, pour encore quelques années. Maxime Desruisseaux est un enseignant de carrière. Est-ce que tu vas continuer à enseigner? Ben, c'est uniquement le hockey là, pour les prochaines années. Ça va être... on va se consacrer simplement au hockey. On est... c'est beaucoup de tâches. Là. Puis, je veux faire ça de la bonne façon. Puis, je veux m'assurer que tout est en place, puis que les joueurs aient le meilleur encadrement, qu'ils soient le mieux préparés possible. Donc, on va être à temps plein là, avec les élites pour les prochaines années. Là. Tu connais bien Jonquière, tu connais bien le Palais des Sports, parce que tu es venu jouer ici contre les Marquis dans la Ligue nord-américaine de hockey. Tu as évolué, entre autres, avec Ted Fermines. Donc, tu connais bien la foule. Tu sais que c'est des bruyants partisans ici au Saguenay. Là. Ils sont... évidemment, les gens du Saguenay sont en arrière de leur équipe, puis je suis bien content qu'ils soient rendus derrière moi maintenant, puis qu'ils encouragent les élites. Puis c'était du bon temps quand on joue au hockey, puis c'était bien plaisant. Puis là, comme je dis, c'est le fun qu'ils soient rendus derrière notre équipe. Là. Ta carrière de joueur est terminée? Oui, ça fait maintenant... ça maintenant déjà 7 ans là, que j'ai arrêté de jouer. Dans le fond, quand je me suis joint au Tigre dans la Ligue Junior du Québec, là, j'ai accroché mes patins. Et quand va débuter le camp d'entraînement pour les élites Midget? Vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous préparer, là? Non, ça commence... dans le fond, on commence dimanche, le 11 août. Donc, c'est là que tout le monde va se rapporter, évidemment, au camp d'entraînement. Puis... les camps juniors, eux autres, commencent le mercredi le 14 août. Donc, on a quelques joueurs, là, tu sais, nos joueurs qui sont repêchés vont quitter pour les camps juniors. Puis, on va avancer à travers ça, mais ça s'en vient vite. Puis, les gars ont déjà commencé l'entraînement. J'ai rencontré les vétérans, là, déjà. Et puis, les gars sont bien excités, puis ils ont hâte que ça recommence. Là. Bon, ben nous, on va se parler régulièrement, comme on le faisait avec l'ancien coach des élites midget. Tous les vendredis, on pourra se parler dans le vestiaire. On va te souhaiter bonne chance, une belle carrière d'entraîneur. Et puis, on se reparle très prochainement, Maxime. Bien, un gros merci, puis je vous souhaite une belle été, les gars. Merci beaucoup, Maxime Desruisseaux.